Il me lapide, dit-il, prenant pour des talibans les adversaires du président. Mais lui fait quoi? Il dilapide. Voilà qu'il se prend pour le cerf et par ce geste s'ennoblit. Faut pas qu'il croie que l'on oublie pour qui il roule et qui il sert. À présent qu'il risque la cour, il se croit à la chasse à cour, pourtant s'il est à la cour, c'est pour servir les bêtes en cour. La cour de la République sert, comme son nom l'indique, les intérêts de la nation. Elle ne fait pas de lapidation.